Bonjour monsieur, nous avons l'intention de louer des vélos s'il vous plaît. Oui, vous voulez des vélos classiques ou des VTT ? Des VTT, c'est pour faire une promenade dans la forêt. Oui, vous pouvez essayer les VTT qui sont là. Vous désirez garder les vélos combien de temps ? Il existe la location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée ? Pour la journée, si c'est possible. Oui, bien sûr. Vous me laissez un chèque de caution de 150 € par vélo. Je vous rends le chèque quand vous revenez. Pour la location, c'est 13 € par vélo pour la journée. Est-ce que vous avez des antivols ? Ah oui, oui, oui. En voilà deux. Bonne promenade !